Join me on RIG. RIG. Oh, le marché, c'est un contre-jour de l'exo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Générique de façon à ce que l'on identifie la radio et surtout l'émission, la saga des Fab4, numéro 419. Et puis, on passe tout de suite à Happy Birthday, monsieur Paul McCartney, parce que on a raté d'un jour. Ah, bah, pas de ma faute, hein, quand même, ça arrivera une autre fois. C'était l'anniversaire de Paul McCartney hier, 77 ans. Bon anniversaire, Paul McCartney. Et du coup, on a choisi de faire l'album de la semaine, Back to the Egg, et tout le reste sera du McCartney. On se retrouve dans le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Et puis, c'est sur 90.7, c'est la radio des Beatles. Aujourd'hui, un spécial, Paul McCartney. Well, we were after a man who was apparently been doing something like this, we'll be right back.

fameux Dear Boy dont parle Paul McCartney dans cette chanson-là, eh bien, il s'agit du premier mari de Linda, celui qui a laissé partir cette belle femme pour qu'elle puisse venir avec Paul McCartney. En gros, il lui disait, ben, t'as pas fait attention à ce que t'as raté, tant mieux parce que moi je l'ai récupéré, etc., etc. Mais quelle chanson, quelles harmonies vocales, c'est absolument superbe. Et c'était sur l'album Ram en 1971. On pousse de 2 ans, nous arrivons sur le fantastique album Ben on the Run. Et celle-ci, cette chanson que vous connaissez, que vous aimez, 1985 sur RIG. RIG 90.7, aujourd'hui, on rend hommage à Paul McCartney pour son anniversaire qui était hier. 77 ans, monsieur Paul McCartney. Bon anniversaire. I know I'll never let my 1989 dans une interview pendant la tournée de Flowers in the Dirt, qui est la reprise de McCartney sur scène. Il paraît que des années 80 un petit peu chaotiques. Il va déclarer, quand on va lui faire le reproche d'avoir avec My Brave Face fait du Beatles, il va dire, mais s'il y a des gens qui ont le droit, peut-être plus que les autres, de reprendre du Beatles ou de faire du Beatles, c'est mes potes et moi, parce qu'on a été les Beatles. Eh bien, Paul McCartney, en hommage, là, cette soirée, pour la saga des Fab Four, c'est aussi les Beatles. Puisqu'on parle des Beatles, on va parler de Lovely Rita. Et juste après, ce sera The Fool on the Hill, des Beatles, en 67, sur RG. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning Vous savez, la séquence dans laquelle on voit Paul dans The Fool on the Hill a été tournée à Nice. Il a pris l'avion, il est allé à Nice et en haut d'une colline, il a fait une sorte de petite danse. Enfin non, même pas, on le voit simplement avec un par-dessus. Et c'est bien, c'est The Fool on the Hill, l'idiot sur la colline. Ça avait été repris, je crois, par Joe Dassin, il me semble. La suite de la saga, c'est maintenant avec l'album de la semaine, Back to the Egg, par deux fois, parce que j'aime trop ça. After the ball, to the ball, you were the one. one, the one who would love me after the ball. After the ball. Saga des Fab Four, c'est uniquement sur RIG 90.7. Shine your light. get it every now and then. But if you don't feel it, later on you'll regret it. And if we let it, we could set it free, you and me, love away. Toll the bell, tell the world how glad you are. Love away to the day when we can make. D'habitude, à chaque fois que je passe cet album-là en album de la semaine, eh bien, le plus dur pour moi, c'est d'arrêter et de passer une autre chanson. Par contre, si l'autre chanson, eh bien, c'est celle-ci, ça vaut quand même le coup de changer. Blackbird sur RG, du Paul McCartney jusqu'à 22h. Take these broken wings and learn to fly all your life. We're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Paul McCartney est aussi extraordinaire en live. Voici, en 1976, trois chansons. Venus and Mars, Rock Show, Jet. Plus de 10 minutes de plaisir sur RIG.

Yeah. Saga 100% McCartney avec un album de la semaine, Back to the Egg. Vous en rêviez ? Je l'ai fait. C'est la saga des Fab Four numéro 419 sur RIG. Et voici Letting Go, extrait de l'album Venison Moss, 1975 sur RIG. Pas trop si je vais avoir de la voix jusqu'à 22h parce que je chante toutes les chansons Heureusement, on coupe pas le micro pour éviter la pluie chez vous, mais j'adore cette émission, vraiment. Je me demande si pour la dernière, on va pas se faire un grand plaisir. Allez, Back to the Egg, c'est l'album de la semaine. Voici un nouvel extrait, Arrow Through Me, sur RG. Right through me, ooh, ooh, baby. pour arriver à l'heure. Déjà une heure avec Paul McCartney. Je vous propose de retrouver la chanson dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous savez, My Brave Face de 1989. Le plagiat Beatles, mais non, c'est pas un plagiat, c'est du Paul McCartney. Une de mes chansons préférées, 1978, Paul McCartney pour une fois met les synthétiseurs en avant. Ça donne With a Little Luck sur l'album London Town. Vous êtes bien sur RIG, c'est la saga des Fab Four que vous écoutez. Together. Together. There is no lorsqu'il a écouté cette chanson, John Lennon a dit « Paul fait encore du bon boulot ». C'est Coming Up, sorti juste avant la mort de John Lennon. Ou le lapsus, désolé. Là, c'est en live, évidemment. De revenir à l'album de la semaine avec ce petit titre très calme, très doux. On monte le son au maximum. Old Siam Sir sur l'album Back to the Egg. C'est RIG que vous écoutez sur 90.7 ou sur www.rigfm.fr. La saga des Fab Four jusqu'à 22h.

such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Capable de faire le rock le plus éclatant ou la ballade la plus gentille, douce et agréable. Il est à l'aise dans tous les styles, Paul McCartney, c'est pour ça qu'on l'aime. You need love, so I let Touch me. On the way, said the man in long leather coat as he started his car. I'm glad you came, said she. You got my note, you understood it. He smiled as he hung up his long leather coat on the back of the door. Chanson bonus sur le single Hope of Deliverance de 1992, ça s'appelle Long Leather Coat sur RIG. When you're fed up, shedding too many tears, and your memory seems like just so many souvenirs, I will come to you to ease the pain. Any help, tell me how. don't you let me know? De l'excellent album Flame and Pie de 1997. Revenons en arrière en 1979. Attention, rock and roll. Voici To You. To You, c'est tout. Extrait de l'album Back to the Egg. Paul McCartney sur RG. much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching through the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. Too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has come so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. Nous sommes en 2007, Paul McCartney fait toujours de la qualité, et ce que je retiens de ce titre, je le dis à chaque fois parce que c'est important, à l'époque en 2007, Paul McCartney avait 65 ans, et à 65 ans, Monsieur Paul McCartney prend le risque de laisser tomber les habituels instruments et de danser. Oh, la danse, c'est pas... Peut-être que j'arriverai à le faire encore, je suis pas sûr, je pense que je suis moins bon que ça. Mais il a fait une danse avec de jolies danseuses juste à côté dans le clip, et où il passe devant un Paul McCartney, il repasse devant un autre Paul McCartney. C'est très très sympa, c'est très bien fait. Allez voir le clip, je vous le conseille. Et c'est une excellente chanson. La suite, c'est maintenant sur RG. Ooh.

with you. We got lots of good things to do. Oh yeah. Alors là, vous êtes en train de vous dire, Thierry n'a pas passé So Glad to See You Here, alors que c'est l'album de la semaine, mais je le réservais pour la fin. Save me when I come home from the zoo. I need